Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. Première série, chapitre 18. Les bimbex, suite. Un parasite, le cocon. Enregistré par Christiane Johan. Je viens de montrer le bimbex planant, chargé de sa capture, au-dessus du nid, puis descendant d'un vol vertical très lent et accompagné d'une sorte de piaulement plaintif. Cette arrivée circonspecte, hésitante, pourrait faire croire que l'insecte examine de haut le terrain pour retrouver sa porte et cherche, avant de prendre pied, à bien se remémorer les lieux. Mais un autre motif est en jeu, ainsi que je vais l'exposer. Dans les conditions habituelles, lorsque rien de périlleux n'attire son attention, l'hyménoptère survient brusquement, d'un vol impétueux et sans planer avec piaulement, sans hésiter, s'abat aussitôt sur le seuil de sa porte ou très près. Toute recherche est inutile, tant sa mémoire est fidèle. Informons-nous donc des causes de cette arrivée hésitante à laquelle je viens de faire assister le lecteur. L'insecte plane, descend lentement, remonte, s'enfuit et revient, parce qu'un danger très grave menace le nid. Son bourdonnement plaintif est signe d'anxiété. Il ne le fait pas entendre quand il n'y a pas péril. Quel est alors l'ennemi ? Serait-ce moi assis pour l'observer ? Mais non, je ne suis rien pour lui, rien qu'une masse, un bloc, indigne sans doute de son attention. L'ennemi redoutable, l'ennemi terrible, qu'il faut éviter à tout prix, est là, à terre, bien immobile sur le sable, à proximité du domicile. C'est un petit diptère, de très pauvre apparence, de tournure inoffensive. Ce moucheron de rien est l'effroi du bimbex. L'audacieux bourreau des diptères, lui qui tord si prestement le cou au temps, colosse repu de sang sur le dos d'un bœuf, n'ose entrer chez lui parce qu'il se voit guetté par un autre diptère, vrai pygmée, qui fournirait à peine une bouchée à ses larves. Que ne font-ils sur lui pour s'en débarrasser ? L'hyménoptère a le vol assez prompt pour l'atteindre. Et si petite que soit la prise, les larves ne la dédaigneront pas, puisque tout diptère leur est bon. Mais non, le bimbex fuit devant un ennemi qu'il mettrait en pièces d'un seul coup de mandibule. Il me semble voir le chat fuir, affolé de peur, devant une souris. L'ardent chasseur de diptères est chassé par un autre diptère et l'un des plus petits. Je m'incline sans espérer jamais comprendre ce renversement des rôles. Pouvoir se débarrasser sans difficulté d'un ennemi mortel qui médite la ruine de votre famille et qui en deviendrait le régal, pouvoir cela et ne pas le faire quand l'ennemi est là, à votre portée, vous guettant, vous bravant, c'est le comble de l'aberration chez l'animal. Aberration n'est pas du tout le mot, disons plutôt harmonie des êtres. Car puisque ce misérable diptère a son petit rôle à remplir dans l'ensemble des choses, faut-il encore que le bimbex le respecte et fuit lâchement devant lui, sinon, depuis longtemps, il n'en aurait plus au monde. Traçons ici l'histoire de ce parasite. Parmi les nids des bimbex, il s'en trouve et très fréquemment qui sont occupés à la fois par la larve de l'hyménoptère et par d'autres larves étrangères à la famille et goulues commensales de la première. Ces étrangères sont plus petites que le nourrisson du bimbex, en forme de larmes et de couleurs vineuses, dues à la teinte de la bouillie alimentaire que laisse entrevoir la transparence du corps. Leur nombre est variable, une demi-douzaine souvent, parfois 10 et davantage. Elles appartiennent à une espèce de diptère, ainsi qu'il résulte de leur forme, et comme le confirment les pupes que l'on rencontre à leur place. L'éducation, en domesticité, achève la démonstration. Élevées dans des boîtes, sur une couche de sable, avec des mouches que l'on renouvelle chaque jour, elles deviennent des pupes, d'où l'année d'après sort un petit diptère, un taquineur du genre Miltogramme. C'est le même diptère qui, embusqué aux environs du terrier, cause au bimbex de si vives appréhensions. La terreur de l'hyménoptère n'est que trop fondée. Voyez en effet ce qui se passe au logis. Autour du monceau de vivres, que la mère s'exténue à maintenir en quantité suffisante, en compagnie du nourrisson légitime, 6 à 10 convives affamés qui, de leur bouche aiguë, piquent au tas commun, sans plus de réserve que s'ils étaient chez eux. La concorde paraît régner à table. Je n'ai jamais vu la larve légitime se formaliser de l'indiscrétion des larves étrangères, ni celle-ci faire mine de vouloir troubler le repas de l'autre. Toutes pêle-mêle prennent au tas et mangent tranquilles, sans chercher noises aux voisines. Jusque-là, tout serait pour le mieux s'il ne survenait grave difficulté. Si active que soit la mère nourrice, il est clair qu'elle ne peut suffire à pareille dépense. Il lui fallait d'incessantes expéditions de chasse pour nourrir une seule larve, la sienne. Que sera-ce si elle doit alimenter à la fois une quinzaine de goulus ? Le résultat de cet énorme accroissement de famille ne peut être que la disette, la famine même, non pour les larves du diptère qui, plus hâtives dans leur développement, devancent la larve du bimbex et profitent des jours où l'abondance est encore possible, vu le très jeune âge de leur amphitryon. Mais bien pour celui-ci qui, atteint l'heure de la métamorphose, sans pouvoir réparer le temps perdu. D'ailleurs, si les premiers convives, devenus pupes, lui laissent la table libre, d'autres surviennent tant que la mère pénètre dans le nid et achève de l'affamer. Dans les terniers envahis par de nombreux parasites, la larve du bimbex est effectivement bien inférieure pour la grosseur à ce que supposerait le tas de vivres consommés et dont les débris encombrent la cellule. Toute flasque, émaciée, réduite à la moitié, au tiers de la taille normale, elle essaie vainement de tisser un cocon dont elle ne possède pas les matériaux de soie. Elle périt en un coin du logis parmi les pupes de ses convives plus heureux qu'elle. Sa faim peut être plus cruelle encore. Si les vivres manquent, si la mère nourrice tarde trop de revenir avec de la pâture, les diptères dévorent la larve du bimbex. Je me suis assuré de cette noire action en élevant moi-même la nichée. Tout allait bien tant que les vivres abondaient. Mais si par oubli ou à dessein, la ration quotidienne était supprimée, le lendemain ou le surlendemain, j'étais sûr de trouver les larves du diptère dépeçant avec avidité la larve du bimbex. Ainsi, lorsque le nid est envahi par les parasites, la larve légitime doit fatalement périr soit de faim, soit de mort violente. Et tel est le motif qui rend si odieuse au bimbex la vue des miltogrammes rôdant autour de son logis. Les bimbex ne sont pas les seules victimes de ces parasites. Tous les hyménoptères fouisseurs, indistinctement, ont leur terrier dévalisé par des taquineurs, des miltogrammes surtout. Divers observateurs, notamment le pelletier de Saint-Fargeau, ont parlé des manœuvres de ces effrontés diptères. Mais aucun que je sache n'a entrevu le côté si curieux du parasitisme aux dépens des bimbex. Je dis si curieux, car en effet, les conditions sont bien différentes. Les nids des autres fouisseurs sont approvisionnés à l'avance, et le miltogramme dépose ses œufs sur les pièces de gibier au moment où elles sont introduites. L'approvisionnement terminé et son œuf pondu, l'hyménoptère clôture la cellule, où désormais éclosent et vivent ensemble la larve légitime et les larves étrangères, sans jamais être visitées dans leur solitude. Le brigandage des parasites est donc ignoré de la mère et reste impuni, faute d'être connu. Avec les bimbex, c'est bien tout autre chose. La mère rentre à tout moment chez elle, pendant les 2 semaines que dure l'éducation. Elle sait sa géniture en compagnie de nombreux intrus, qui s'approprient la majeure partie des vivres. Elle touche, elle sent au fond de l'antre, toutes les fois qu'elle serre sa larve, ses affamés commensaux qui, loin de se contenter des restes, se jettent sur le meilleur. Elle doit s'apercevoir, si bornées que soient ses évaluations numériques, que 12 sont plus que 1. Les dépenses en victuailles disproportionnées avec ses moyens de chasse l'en avertiraient d'ailleurs. Et cependant, au lieu de prendre ces hardis étrangers par la peau du ventre et de les jeter à la porte, elle les tolère pacifiquement. Que dis-je ? Elle les tolère ? Elle les nourrit ? Elle leur apporte la béquée, ayant peut-être pour ses intrus la même tendresse maternelle que pour sa propre larve. C'est ici une nouvelle édition de l'histoire du coucou, mais avec des circonstances encore plus singulières. Que le coucou, presque de la taille de l'épervier, dont il a le costume, en impose assez pour introduire impunément son œuf dans le nid de la faible fauvette, que celle-ci, à son tour, dominée peut-être par l'aspect terrifiant de son nourrisson à face de crapaud, accepte l'étranger et lui donne ses soins. À la rigueur, cela comporte un semblant d'explication. Mais que dirions-nous de la fauvette qui, devenue parasite, irait, avec une superbe audace, confier ses œufs à l'air de l'oiseau de proie, au nid de l'épervier lui-même, le sanguinaire mangeur de fauvettes? Que dirions-nous de l'oiseau de rapine qui accepterait le dépôt et tendrement élèverait la nichée d'oisillons? C'est précisément là ce que fait le bimbex, ravisseur de diptères qui soigne d'autres diptères, giboyeur qui distribue la pâture à un gibier dont le dernier régal sera sa propre larve éventrée. Je laisse à d'autres plus habiles le soin d'interpréter ces étonnantes relations. Assistons à la tactique employée par le taquineur dans le but de confier ses œufs au nid du fouisseur. Il est de règle absolue que le moucheron ne pénètre jamais dans le terrier. Le trouva-t-il ouvert et le propriétaire absent? Le madret parasite se garderait bien de s'engager dans un couloir où, n'ayant plus la liberté de fuir, il pourrait payer cher son impudente audace. Pour lui, l'unique moment propice à ses desseins, moment qu'il guette avec une exquise patience, est celui où l'hyménoptère s'engage dans la galerie, le gibier sous le ventre. En cet instant-là, si court qu'il soit, lorsque le bimbex ou tout autre fouisseur à la moitié du corps engagé dans l'entrée et va disparaître sous terre, le miltogramme accourt au vol, se campe sur la pièce de gibier qui déborde un peu l'extrémité postérieure du ravisseur, et tandis que celui-ci est ralenti par les difficultés de l'entrée, l'autre, avec une prestesse sans pareille, pond sur la proie un œuf, de même, trois coups sur coup. L'hésitation de l'hyménoptère empêtré de sa charge a la durée d'un clin d'œil. N'importe, cela suffit au moucheron pour accomplir son méfait sans se laisser entraîner au-delà du seuil de la porte. Quelle ne doit pas être la souplesse de fonction des organes pour se prêter à cette ponte instantanée? Le bimbex disparaît, introduisant lui-même l'ennemi au logis. Et le taquineur va se tapir au soleil, à proximité du terrier, pour méditer de nouvelles noirceurs. Si l'on désire vérifier que les œufs du diptère ont été réellement déposés pendant cette rapide manœuvre, il suffit d'ouvrir le terrier et de suivre le bimbex au fond du logis. La proie qu'on lui saisit porte en un point du ventre au moins un œuf, parfois plus, suivant la durée du retard éprouvé à l'entrée. Ces œufs de très petite taille ne peuvent appartenir qu'aux parasites. D'ailleurs, s'il restait des doutes, l'éducation à part dans une boîte donne pour résultat des larves de diptères, plus tard des pupes et enfin des miltogrammes. L'instant adopté par le moucheron est choisi avec un discernement supérieur. C'est le seul où il lui soit permis d'accomplir ses desseins sans péril, sans vaine poursuite. L'hyménoptère, à demi engagé dans le vestibule, ne peut voir l'ennemi, si audacieusement campé sur l'arrière-train de la proie. S'il soupçonne la présence du bandit, il ne peut le chasser, n'ayant pas sa liberté de mouvement dans les trois couloirs. Enfin, malgré toutes ses précautions pour faciliter l'entrée, il ne peut disparaître toujours sous terre avec la célérité nécessaire, tant le parasite est prompt. En vérité, voilà l'instant propice et le seul, puisque la prudence défend au diptère de pénétrer dans l'antre où d'autres diptères, bien plus vigoureux que lui, servent de pâture à la larve. Au dehors, en plein air, la difficulté est insurmontable, tant est grande la vigilance des bimbex. Donnons un instant à l'arrivée de la mer lorsque son domicile est surveillé par des miltogrammes. Quelques-uns de ces moucherons, tantôt plus, tantôt moins, trois ou quatre d'habitude, sont posés sur le sable, dans une immobilité complète, tous les regards tournés vers le terrier, dont ils savent très bien l'entrée, si dissimulée qu'elle soit. Leur coloration d'un brun obscur, leurs gros yeux d'un rouge sanguinolent, leur immobilité, que rien ne lasse, bien des fois m'ont mis en l'esprit l'idée de bandits qui, vêtus de bure et la tête enveloppée d'un mouchoir rouge, attendraient en embuscade l'heure d'un mauvais coup. L'hyménoptère arrive chargé de sa proie. Si rien d'inquiétant ne le préoccupait, à l'instant même, il prendrait pied devant la porte. Mais il plane à une certaine élévation. Il s'abaisse d'un vol lent et circonspect. Il hésite. Un piaulement plaintif, résultant d'une vibration spéciale des ailes, dénote ses appréhensions. Il a donc vu les malfaiteurs. Ceux-ci, pareillement, ont vu le bimbex. Ils le suivent des yeux, comme l'indique le mouvement de leur tête rouge. Tous les regards convergent vers le butin convoité. Alors se passent les marches et les contre-marches de l'astuce aux prises avec la prudence. Le bimbex descend d'aplomb, d'un vol insensible. On dirait qu'il se laisse mollement choix, retenu par le parachute des ailes. Le voilà qui plane à un pan du sol. C'est le moment. Les moucherons prennent l'essor et se portent tous à l'arrière de l'hyménoptère. Ils planent à sa suite, qui plus près, qui plus loin, est géométriquement aligné. Si, pour déjouer leur dessein, le bimbex tourne, ils tournent aussi, avec une précision qui les maintient en arrière sur la même ligne droite. Si l'hyménoptère avance, ils avancent. Si l'hyménoptère recule, ils reculent, mesurant leur vol tantôt lent ou stationnaire sur le vol du bimbex, chef de file. Ils ne cherchent nullement à se jeter sur l'objet de leur convoitise. Leur tactique se borne à se tenir prêt dans cette position d'arrière-garde qui leur épargnera des hésitations d'essor pour la rapide manœuvre de la fin. Parfois lassé de ses obstinées poursuites, le bimbex met pied à terre. Les autres à l'instant se posent sur le sable, toujours en arrière, et ne bougent plus. L'hyménoptère repart avec des piaulements plus aigus, signe sans doute d'une indignation croissante. Les moucherons repartent à sa suite. Un moyen suprême reste pour dévoyer les tenaces diptères. D'un élan fougueux, le bimbex s'envole au loin, avec l'espoir peut-être d'égarer les parasites par de rapides évolutions à travers champs. Mais les astucieux moucherons ne donnent pas dans le piège. Ils laissent partir l'insecte et prennent de nouveau position sur le sable autour du terrier. Quand le bimbex reviendra, les mêmes poursuites recommenceront, jusqu'à ce que, enfin, l'obstination des parasites ait épuisé la prudence de la mère. En un moment où sa vigilance est en défaut, les moucherons sont aussitôt là. L'un d'eux, le mieux favorisé par sa position, s'abat sur la proie qui va disparaître, et c'est fait, l'œuf est pondu. Il est ici de pleine évidence que le bimbex a le sentiment du danger. L'hyménoptère sait ce qu'a de redoutable pour l'avenir du nid, la présence de l'odieux moucheron. Ses longues tentatives pour dévoyer les taquineurs, ses hésitations, ses fuites, ne laissent sur ce point l'ombre d'un doute. Comment se fait-il donc, me demanderai-je encore une fois, que le ravisseur de diptères se laisse harceler par un autre diptère, par un bandit infime, incapable de la moindre résistance, et qu'il atteindrait d'un élan s'il le voulait bien? Pourquoi, un moment débarrassé de la proie qui le gêne, ne font-ils pas sur ces malfaiteurs? Que lui faudrait-il pour exterminer la calamiteuse engeance du voisinage du terrier? Une battue pour lui affaire de quelques instants, mais ainsi ne le veulent pas les lois harmoniques de la conservation des êtres. Et les bimbex se laisseront toujours harceler sans que jamais le fameux combat pour l'existence leur apprenne le moyen radical de l'extermination. J'en ai vu qui, serrés de trop près par les moucherons, laissaient tomber leur proie et précipitamment s'enfuyaient affolés mais sans aucune démonstration hostile, quoique la chute du fardeau leur laissât pleine liberté de mouvement. La proie lâchée, si ardemment convoitée tout à l'heure par les taquineurs, gisait à terre, à la discrétion de tous, et nul n'en faisait cas. Ce gibier en plein air était sans valeur pour les moucherons, dont les larves réclament l'abri d'un terrier. Il était sans valeur aussi pour le bimbex soupçonneux, qui, de retour, le palpait un moment et l'abandonnait avec dédain. Une interruption momentanée de surveillance lui avait rendu la pièce suspecte. Terminons ce chapitre par l'histoire de la larve. Sa vie monotone ne présente rien de remarquable pendant les 2 semaines que durent son repas et sa croissance. Puis arrive la construction du cocon. Le parcimonieux développement des organes sérifiques ne permet pas au ver une demeure de soie pure, composées comme celles des Amophiles et des Sphex, de plusieurs enceintes qui superposent leurs barrières pour défendre la larve, et plus tard la nymphe, de l'accès de l'humidité dans un terrier peu profond et mal protégé quand viennent les pluies de l'automne et les neiges de l'hiver. Cependant, le terrier d'Ebimbex est dans des conditions plus mauvaises que ne l'est celui du Sphex, puisqu'il est situé à quelques pouces de profondeur dans un sol des plus perméables. Aussi, pour se créer un abri suffisant, la larve supplée par son industrie à la petite quantité de soie dont elle dispose. Avec des grains de sable artistement assemblés, cimentés entre eux au moyen de la matière soyeuse, elle se construit un cocon des plus solides où l'humidité ne peut pénétrer. Trois méthodes générales sont employées par les hyménoptères fouisseurs dans la confection de l'habitacle où doit s'effectuer la métamorphose. Les uns creusent leur terrier à de grandes profondeurs sous des abris. Leur cocon est alors composé d'une seule enceinte, assez mince pour être transparente. Tel est le cas des filantes et des cerceris. D'autres se contentent d'un terrier peu profond dans un sol découvert. Mais alors, tantôt ils ont assez de soie pour multiplier les assises du cocon, comme le font les sphex, les amophiles, les scolies. Tantôt, la quantité de soie étant insuffisante, ils ont recours au sable agglutiné, ainsi que le pratiquent les bimbex, les stises, les palards. On prendrait le cocon des bimbéciens pour le robuste noyau de quelques semences, tant il est compact et résistant. Sa forme est cylindrique, avec une extrémité en calotte sphérique et l'autre pointue. Sa longueur mesure une paire de centimètres. À l'extérieur, il est légèrement rugueux, d'aspect assez grossier, mais en dedans, la paroi est glacée d'un fin vernis. Mes éducations en domesticité m'ont permis de suivre dans tous ces détails la construction de cette curieuse pièce d'architecture, vrai coffre-fort où se bravent en sécurité les intempéries. La larve repousse d'abord autour d'elle les débris de ses vivres et les refoule dans un coin de la cellule ou compartiment que je lui ai ménagé dans une boîte avec des cloisons de papier. L'emplacement nettoyé, elle fixe aux diverses parois de sa demeure des fils d'une belle soie blanche, formant une trame aranéeuse qui maintient à distance l'encombrant monceau des restes alimentaires et sert d'échafaudage pour le travail suivant. Ce travail consiste en un hamac, suspendu loin de toute souillure au centre des fils tendus d'une paroi à l'autre. La soie seule, magnifiquement fine et blanche, entre dans sa composition. Sa forme est celle d'un sac ouvert à un bout d'un large orifice circulaire, fermé à l'autre et terminé en pointe. La nasse des pêcheurs en donne une assez fidèle image. Les bords de l'ouverture sont maintenus écartés et toujours tendus par de nombreux fils qui en partent et vont se rattacher aux parois voisines. Enfin, le tissu de ce sac est d'une finesse extrême qui permet de voir par transparence toutes les manœuvres du ver. Les choses depuis la veille se trouvaient en cet état lorsque j'ai entendu la larve gratter dans la boîte. En ouvrant, j'ai trouvé ma captive occupée à ratisser, du bout des mandibules, la paroi de carton, le corps à moitié hors du sac. Déjà le carton était profondément entamé et un monceau de menus débris était amassé devant l'orifice du hamac pour être utilisé plus tard. Faute d'autres matériaux, le ver aurait sans doute fait emploi de ses ratissures pour sa construction. J'ai jugé plus à propos de le servir suivant ses goûts et de lui donner du sable. Jamais larve de bimbex n'avait construit avec des matériaux aussi somptueux. Je versais à la prisonnière du sable à sécher l'écriture, du sable bleu semé de paillettes dorées de mica. La provision est déposée devant l'orifice du sac, situé lui-même dans une position horizontale, ainsi qu'il convient pour le travail qui va suivre. La larve, à demi penchée hors du hamac, choisit son sable presque grain par grain, en fouillant dans le tas avec les mandibules. Si quelque grain trop volumineux se présente, elle le saisit et le rejette plus loin. Quand le sable est ainsi trié, elle en introduit une certaine quantité dans l'édifice de soie en le balayant de sa bouche. Cela fait, elle rentre dans la nasse et se met à étendre les matériaux en couches uniformes sur la face inférieure du sac, puis elle agglutine les divers grains et les enchâsse dans l'ouvrage avec de la soie pour ciment. La face supérieure se bâtit avec plus de lenteur, les grains y sont portés un à un et aussitôt fixés avec le mastic soyeux. Ce premier dépôt de sable n'embrasse encore que la moitié antérieure du cocon, la moitié se terminant par l'orifice du soc. Avant de se retourner pour travailler à la moitié postérieure, la larve renouvelle sa provision de matériaux et prend certaines précautions afin de ne pas être gênée dans son œuvre de maçonnerie. Le sable extérieur amoncelé devant l'entrée pourrait s'ébouler dans l'enceinte et entraver le constructeur dans un espace aussi étroit. Le verre prévoit l'accident, il agglutine quelques grains et fabrique un rideau grossier de sable qui bouche l'orifice d'une manière bien imparfaite, mais suffit pour empêcher l'éboulement. Ces précautions prises, la larve travaille à la moitié postérieure du cocon. De temps à autre, elle se retourne pour s'approvisionner au dehors. Elle déchire un coin du rideau qui la protège contre l'envahissement du sable extérieur et par cette fenêtre, elle happe les matériaux nécessaires. Le cocon est encore incomplet, tout ouvert à son gros bout. Il lui manque la calotte sphérique qui doit le clore. Pour ce travail final, le verre fait une abondante provision de sable, la dernière de toutes, puis il repousse le tas amoncelé devant l'entrée. À l'orifice, une calotte de soie est alors tissée et parfaitement raccordée à l'embouchure de la nasse primitive. Enfin, sur cette fondation de soie, les grains de sable tenus en réserve à l'intérieur sont déposés un à un et cimentés avec la bave soyeuse. Cet opercule terminé, la larve n'a plus qu'à donner le dernier fini à l'intérieur de l'habitacle et à glacer les parois d'un vernis qui doit protéger sa peau délicate contre les rugosités du sable. Le hamac de soie pure et l'hémisphère qui plus tard le ferme ne sont, on le voit, qu'un échafaudage destiné à servir d'appui à la maçonnerie de sable et à lui donner une régulière courbure. On pourrait les comparer aux cintres en charpente que les constructeurs disposent pour bâtir un arceau, une voûte. Le travail fini, la charpente est retirée et la voûte se soutient par son propre équilibre. De même, quand le cocon est achevé, le support de soie disparaît, en partie noyé dans la maçonnerie, en partie détruit par le contact de la terre grossière. Et aucune trace ne reste de l'ingénieuse méthode suivie pour rassembler en édifice d'une parfaite régularité des matériaux aussi mobiles que le sable. La calotte sphérique formant l'embouchure de la nasse initiale est un travail à part, rajusté au corps principal du cocon. Si bien conduit que soit le raccordement et la soudure des deux pièces, la solidité n'est pas celle qu'obtiendrait la larve en maçonnant d'une manière continue l'ensemble de sa demeure. Il y a donc sur le pourtour du couvercle une ligne circulaire de moindre résistance. Mais ce n'est pas là vice de structure, c'est au contraire nouvelle perfection. Pour sortir plus tard de son coffre-fort, l'insecte éprouverait de graves difficultés tant les parois sont résistantes. La ligne de jonction, plus faible que les autres, lui épargne apparemment bien des efforts, car c'est en majeure partie suivant cette ligne que se détache le couvercle lorsque le bimbex sort de terre à l'état parfait. J'ai appelé ce cocon coffre-fort, c'est en effet pièce très solide, tant à cause de sa configuration que de la nature de ses matériaux. Éboulements et tassements de terrain ne peuvent le déformer, car la plus forte pression des doigts ne parvient pas toujours à l'écraser. Peu importe donc à la larve que le plafond de son terrier, creusé dans un sol sans consistance, s'effondre tôt ou tard. Peu lui importe même, sous sa mince couverture de sable, la pression du pied d'un passant. Elle n'a plus rien à craindre du moment qu'elle est enclose dans son robuste abri. L'humidité ne la met pas davantage en péril. J'ai tenu des 15 jours des cocons de bimbex immergés dans l'eau sans leur trouver après la moindre trace d'humidité à l'intérieur. Que ne pouvons-nous disposer pour nos habitations d'un pareil hydrofuge ? Enfin, par sa gracieuse forme d'œuf, ce cocon semble plutôt le produit d'un art patient que celui d'un verre. Pour quelqu'un non au courant du mystère, les cocons que je fis construire avec du sable à sécher l'écriture eussent été des bijoux d'une industrie inconnue de grosses perles constellées de points d'or sur un fond bleu lapis destinées au collier d'une élégante de la Polynésie. Ici se termine un parasite, le cocon, de Jean-Henri Fabre.